Le porte-parole du comité de l'enseignement de la République populaire démocratique de Corée a publié le 22 une communication contre les réactionnaires japonais qui, ces derniers jours, parlent d'usage comme manuel de l'ordonnance royale d'enseignement symbolisant le militarisme et ont autorisé de l'apprendre aux élèves. Il dit notamment « L'ordonnance royale d'enseignement est publiée en 1890 sous l'enseigne « Parole personnelle de l'empereur japonais sur l'enseignement » et c'est le manuel d'enseignement composé d'un bout à l'autre des contenus inspirant la soumission absolue au roi japonais et l'agression contre les autres pays. C'est pourquoi, à la suite de la défaite de l'impérialisme japonais, cette formule a été abolie en 1946 par suite de la protestation puissante, de la condamnation et la mesure coercitive de la communauté internationale » et son usage a été interdit officiellement par la loi en 1948. Pourtant, les réactionnaires japonais ont autorisé l'usage officiel dans l'enseignement de cette ordonnance royale qui a été bannie par l'histoire, et en même temps, ils ont fait apprendre dans les écoles secondaires l'escrime à la baïonnette comme discipline obligatoire et autorisé la biographie du dictateur fasciste Hitler, Malut, comme le manuel. La réalité japonaise rappelle le cauchemar des militaristes du passé qui, portant le sabre dans la classe sacrée et parlant d'expansion, forçaient même les élèves des écoles primaires aux exercices militaires avec les sabres en bois. Les réactionnaires japonais qui avaient institué petit à petit les dispositifs légaux et institutionnels pour la montée en puissance militaire, comme le chat errant guette le moment propice, apprennent maintenant même aux jeunes élèves le culte aveugle du roi japonais et la misanthropie, dans le but sournois de dompter les nouvelles générations de façon fasciste et sauvage dès leur tendre âge, de rendre conservatrice la société japonaise et de ressusciter le militarisme, afin de réaliser à tout prix la chimère de sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Ils abusent ainsi de l'enseignement sacré à embellir l'histoire militariste et la guerre d'agression expansionniste tachée de crimes, à rendre les nouvelles générations barbares ignorants, extrêmes infirmes mentaux et effrontés sans conscience de culpabilité. Les réactionnaires japonais conduisent frénétiquement le train militariste dépourvu de freins sur l'orbite de la guerre, mais la fin, c'est la ruine suicidaire, et leur objectif de transformer les nouvelles générations en maniaques militaristes finira par échouer de façon tragique.